Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Nous profitons de cet été pour revoir ensemble les meilleures sorties de la saison. Le film aujourd'hui retrace la vie de Jacques Mesrine avant qu'il ne devienne l'ennemi public numéro 1. De retour de la guerre d'Algérie, il tombe dans la violence et l'excès, notamment par son travail pour Guido. Mari et père de famille, Mesrine se cherche et se transforme peu à peu. Il n'y a pas d'héros dans la criminalité. Il n'y a que des hommes qui sont marginaux, qui n'acceptent pas les lois. Certaines personnes pourraient dire qu'il y a d'autres manières de vivre. Je n'avais plus tellement le choix non plus. Et à la finale, j'ai assumé ma criminalité jusqu'au bout. Tu n'embaucherais pas par hasard ? Si, on embauche. Jusqu'à quand tu vas me ramener tous les chiens sans collier qui traînent dans la rue ? Oui, quoi ? C'est moi que t'appelles un chien sans collier ? Pourquoi ta voix, toi ? Il est où, là ? Ça va, calme-toi. Comment vous vous appelez ? Jeanne. Ferme ta gueule ! Je suis prêt à tout. Moi aussi. Tu braques chez moi, maintenant. Mais alors, il est où le problème ? Tu n'iras pas loin. Je vais où je veux. Le milieu t'aime pas, la police te cherche et tous les deux veulent te buter. Même moi, je peux plus te couvrir. Bienvenue à l'unité spéciale de correction. Avant l'automne, on est dehors ou mort. Ils vont te tuer, tu comprends ? Personne ne me tue tant que j'ai pas décidé. Mesrine, l'instinct de mort. Un film de Jean-François Richer, un DVD Universal.